ya kimia asa kobeta kama boko moto ninya wana kongo ayeba loye pamolo tote kongo avanda kimia asa kobeta ta mololo moto ninya na kongo abina banse bakayeleje kongo avanda kimia asa mboka kata amele moto ninya na seyawe amona na lele mbona yote kongo avanda kimia Asango beta ta moloto Moto nina na seya we Amona na lele bona yote Na bande la wapi Mote me peline moto Yawe oh yawe Yawe kumama na yoye Toi qui es Dieu au milieu de nous, nous réalisons, ô Dieu, dans les cieux, sous la terre et sous la terre, il n'existe pas un autre Dieu. Et nous voulons proclamer ici en RDC que tu es Dieu. Nous voulons proclamer ici en Afrique que Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce moment de célébration. Merci ce moment où nous avons répondu à cet appel de te louer, Saint-Jola. Oh Dieu, et merci pour ce relèvement de Gaël Ministry. Nous croyons, oh Dieu, que tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu du nouveau départ. Tu es Dieu, le Dieu des nouvelles choses. Et nous confessons qu'à partir d'aujourd'hui, les nouvelles choses commencent avec Gaël. Un nouveau départ commence avec Gaël. Une onction nouvelle commence avec Gaël. Au nom de Jésus, toi qui vis avec notre Père, Moloto, qui est dans ta présence, l'onction que tu as travaillée avec lui repose sur ses ministères. Merci pour les âmes qui sont gagnées et qui seront gagnées. Merci pour les faveurs. Merci pour les grâces. Merci pour toutes les familles réunies en ces lieux. Que le retour de chacun soit béni. Dans ton nom, Jésus, nous avons prié avec beaucoup d'actions de grâce. Et nous disons Amen.